Brigitte Armaz de Camille Collère. 37e épisode. Chacun sa chambre. Chaque été, on loue une maison avec mon frère Benoît, ma belle-sœur Marie-Lorraine et un couple de copains, Véro et Jean. Ça fait 15 ans que ça dure, et même plus, puisque Véro, c'est ma copine d'enfance. Et cette semaine de vacances, on y tient vraiment, parce que c'est comme un fil qui nous relie les uns aux autres. Malgré la vie qui nous éloigne, c'est vraiment là qu'on se rend compte de tout ce qui nous rapproche. Plus ou moins. Ah bah voilà, cette chambre elle est top. Ah bah franchement, on a bien fait d'arriver les premiers. En gros, t'es gonflé, si tu dis ça, Benoît. Bah non, en même temps, c'est ce qu'il aurait fait aussi, donc... Enfin bon, peu importe, c'est hyper grand. Un lit double, trois petits lits, si on rajoute un matelas pour Léonard, on tient assis sans problème, c'est parfait. Oh bah non, on va pas récupérer les gamins, là. On leur répète toute l'année, chacun sa chambre. Tu crois? Bah bien sûr, en vacances, le principe, c'est aussi de se retrouver en couple, si tu vois ce que je veux dire. Avec quatre motards pour tenir la chandelle, bonjour l'intimité. Moi, je te signale qu'on part à trois couples et sept gamins, donc côté intimité, je suis pas sûre que tu cibles hyper bien. Hein. Ouais, bah, raison de plus. Alors allez, aide-moi à porter les lits, on les monte au grenier. Grenier? Mais ça craint pas un peu, quand même. Mais non, enfin... À l'orage, je dormais à la Belle Étoile, moi. Alors un grenier avec un toit sur la tête, c'est le top confort. Franchement, on risque pas d'en faire des rustiques, hein, je te jure. Bon, enfin, 40 piges, tu supportes pas l'idée de partager ta chambre, tu parles d'un rustique. Mais ça n'a rien à voir. J'aime pas la proximité, c'est tout. Moi, en vacances, je préserve mon espace vital. Allez, zou, dortoir collectif pour les gosses, on garde cet étage pour les adultes. Et je pense que tout le monde sera ravi qu'on ait organisé les chambres à l'avance. Allez, aide-moi. Attention, attention. Alors là, c'est pas vraiment certain, parce que, en fait, la répartition des lits, ça implique plein de choses. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, donc Benoît, nous, on s'est installés là. Donc, vous voulez prendre la chambre bleue, là, qui est toute mimi, ou celle qui donne sur le jardin, Véro et Jean, là, ils prendront celle qui reste. Ah, bah ok. Vous avez pris la grande chambre. Hein. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Hein. Pas de soucis. Bon, Marie-Lorraine, puisque Brigitte nous laisse gentiment le choix, tu préfères le KGB ou la chambre qui sont un peu le moisi? Benoît, tu commences pas. On est arrivé hier pour récupérer les clés, on s'est tapé les bouchons, les courses. Mais Brigitte, tu sais comme il est, Benoît, il taquine. Ouais, bah tu me rassures. Par contre, les enfants, ils dorment où? Alors, on a monté tous les lits au grenier, ambiance dortoir géant. On s'est dit que ça leur ferait trop plaisir, hein. Les miens, ils sont ravis. Quoi, ça pose un problème? C'est-à-dire, je sais pas. Bah, je pensais pas forcément... Benoît, qu'est-ce que t'en dis? Tous les enfants ensemble au grenier? Ah non, ça va être la foire. Ils vont jamais dormir, ils vont reprendre l'école crevée. Bah, en même temps, la rentrée c'est dans un mois. T'as le temps de les recadrer niveau horaire, tes gamins. Comme et Lucie vont avoir trop peur là-haut. Mais pas forcément. Tiens, Comme, viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait de faire une super chambre d'enfants en grenier, tous ensemble, pour faire des batailles de polochon? Ouais, avec Octave, Anatole et Clémentine. Et même Léonard, hein, zoup, tous au grenier. Oui, et aussi les chauves-souris. Ça te fait pas peur, les chauves-souris? Bah non, pas trop. C'est pas comme les vampires, hein. Forcément un peu, si. Il y aura pas de lumière non plus. Et si je veux faire pipi? Ah bah tu te retiendras, jusqu'au matin. Pas le choix. Dans le noir, tu risquerais de tomber dans les escaliers. On peut pas mettre une veilleuse? Ah non, mon canard. L'électricité n'est pas aux normes, c'est trop dangereux. Quand même, mais t'es grand maintenant. Sinon, je peux vraiment pas dormir avec vous? Oh si, bien sûr. Si tu préfères. Bah voilà. C'est réglé, chacun sa chambre et les vaches seront bien gardées. Hein. Par contre, Brigitte, ça te dérange pas qu'on échange du coup? On peut prendre la grande chambre puisqu'on a les gamins, sinon on tiendra pas. Hein. Mais si tu veux, on se charge de refaire les lits. Hein? Ah oui. Typiquement, ce que j'adore chez mon frère. En deux secondes, je me demande pourquoi j'ai insisté pour partir avec lui. Heureusement qu'il y a Jean et Véro pour détendre l'atmosphère. Quand même, hein, on a cru que vous alliez jamais arriver. Ah oui, c'était long là-haut, la pluie, merci la champagne. Les mômes là, vous allez jouer un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Allez. Les mettre à table, il est presque 20h. Après, ils vont se coucher tard, tout le rythme va être décalé. Mais, ça va, Marie-Lorraine, c'est les vacances, on peut prendre l'apéro là. Jean et Véro, ils viennent d'arriver. Allez, premier apéro des vacances, c'est sacré. D'ailleurs, on a porté du champ. Ah, carrément, tu rigoles pas, Paul. Bah, en même temps, vous nous avez pas dit que vous aviez un truc à nous annoncer? Ta promo, c'est ça, Jean, hein, le mec du commercial, ça l'est, tu l'as bouffé. Hein. Attends, voilà, c'est toi, Véro. Hein. Qu'est-ce que tu nous caches? Je crois que j'ai ma petite idée. Ah oui, moi aussi. Hein. On en a parlé avec Brigitte. Ouais. Ah, attention, le bouchon. Allez, tiens, Benoît, file-moi une coupe. Non, mais en fait... Attends, j'ai servi tout le monde, là, mon gars, qu'on soit prêt à trinquer. Ouais, je sais pas. Mais tu plaisantes, tiens, prends un verre. Marie-Laurène, c'est Jean. Jean, merci. C'est bon. Hey, c'est bon. À la vôtre. À la vôtre. Chine. À la vôtre. Chine. Chin-chin. Alors avec Véro... Ouais. En fait, on divorce, voilà. Voilà. Vous quoi? Comment ça? On divorce, quoi. Ça fait un moment que c'est un peu dans les tuyaux, et puis... Non, mais faites pas cette tête-là. C'est pas une tragédie non plus. Pour les vacances? Ah non, là, ça change rien. Non. De toute façon, on passe les vacances ensemble. Non, mais c'est plus sympa. Ouais. Puis c'est moins cher. Ah. Mais y a pas mort d'homme. C'est juste une nouvelle organisation. En fait, on distribue les cartes, quoi. Ah, d'ailleurs, à ce propos, comment on fait pour les chambres? Ah oui, parce que pour le coup, maintenant, c'est chacun sa chambre. Dans nos vacances collectives, certaines choses sont immuables, comme la prise de bec qui accompagne le choix des chambres. Mais ce coup-là, on l'avait pas vraiment anticipé. Pas sûr qu'on parte sur une semaine hyper simple. Enfin bon, comme on dit, chacun sa chambre, hein. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Coller. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Elios Noël, Sidonie Laurence, Delphine Léonard, Vincent Berger, Samuel et Anna Kajman, Ernest Koller. Bruitage. Sophie Bissens. Conseillère littéraire. Céline Geoffroy. Prise de son. Montage. Mixage. Olivier Dupré. Émilie Couette. Assistante à la réalisation. Alice Cachaner. Réalisation. Cédric Ossier.